Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de la grandeur, puisque c'est un des plus grands hommes du grand siècle que Franck Ferrand nous propose d'évoquer aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons parler de mon cher Vauban, en effet, en mettant l'accent sur les relations très personnelles, absolument uniques, que le grand ingénieur, preneur de cité, mais aussi ancêtre de nos modernes économistes, entretenait avec le roi Louis XIV. Des relations, vous allez voir, très étroites. Et vous recevez pour cette émission la biographe de Vauban, Michel Virol, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Rouen-Normandie. Michel Virol avait publié il y a quelques années les célèbres oisivetés de Monsieur de Vauban. Elle fait aujourd'hui paraître, chez Champvallon toujours, les correspondances et agendas de Louis XIV et Vauban. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Voici des mots adressés par Louis XIV à Sébastien le prêtre de Vauban dans une lettre datée du 3 novembre 1688 et envoyée de Fontainebleau. En novembre, généralement, la cour était à Fontainebleau. « Vous savez depuis longtemps ce que je pense de vous et la confiance que j'ai en votre savoir et en votre affection. Croyez que je n'oublie pas les services que vous me rendez et que ce que vous avez fait à Philippsbourg m'est fort agréable. Si vous êtes aussi content de mon fils qu'il l'est de vous, je vous crois fort bien ensemble, car il me paraît qu'il vous connaît et vous estime autant que moi. Je ne saurais finir sans vous commander de vous conserver absolument pour le bien du service. » Ce sont vraiment des termes incroyablement amicaux de la part du roi. Il s'agit de la première lettre que nous conservions de Louis XIV à destination de celui qui, depuis 10 ans à l'époque, est commissaire général des fortifications du royaume et, depuis quelques semaines seulement, lieutenant général. Cette lettre accompagne celle de Monseigneur, celle du fils du roi, le dauphin Louis, dans laquelle le grand dauphin félicite Vauban pour le succès du siège de Philippsbourg. Louis XIV accorde à son fils les moyens de récompenser Vauban d'une certaine manière. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors cette lettre, c'est le début de ce qu'on doit pouvoir appeler une proximité entre Louis XIV et Vauban, relation qui sera de plus en plus directe par la suite avec de nombreux échanges épistolaires, et des rencontres régulières entre le roi et son grand serviteur. Au moment de cette lettre, en 1688, Vauban n'a que très rarement accès au souverain. Il faut vous dire quand même qu'il y a un ministre entre les deux, ce qu'on appelait à l'époque un secrétaire d'État, le secrétaire d'État à la guerre. Dans le cas de Vauban, donc, il s'agit du très puissant, très égotique, très infernal Louvois. Les relations entre les deux hommes sont tendues. On peut dire que Louvois n'apprécie pas du tout la liberté de ton du commissaire général des fortifications du royaume. Sans doute aussi est-il impressionné par ce qu'il devine être une intelligence très supérieure et qui pourrait lui faire de l'ombre auprès du souverain. Vous savez, tout le monde veut avoir l'oreille du roi. Tout va changer le 22 juillet 1691. Nous avions eu l'occasion ici même de raconter les circonstances pour le moins étranges de la mort de Louvois, le soulagement inouï dont Louis XIV avait pu témoigner à l'occasion de cette mort inopinée. Eh bien, dans la foulée, une lettre va annoncer à Vauban la mort de Louvois, et malgré la nomination du fils de Louvois au secrétariat d'État à la guerre et la nomination aussi d'un nouveau directeur des fortifications, on peut dire que la confiance qui s'était déjà installée entre le monarque et Vauban, cette confiance va trouver enfin matière à s'éployer, à s'exprimer. D'ailleurs, Vauban est souvent convié à Versailles aux réunions de travail du lundi après-midi. On appelait ça la liasse à l'époque, réunion au cours desquelles Louis XIV et le commissaire général des fortifications du royaume discutent du système défensif d'un royaume qui s'est arrondi, si vous voulez. Louis XIV a fait son précaré, vous connaissez l'expression. Nous verrons tout à l'heure avec Michel Virol ce qu'il faut justement penser de cette expression. La relation entre le roi et son serviteur est d'autant plus importante que la France est en guerre. Le royaume fait face depuis 3 ans à cette coalition européenne menée par Guillaume d'Orange, qui est grand statoudeur des Provinces-Unies et qui est devenu roi d'Angleterre, allié à l'empereur, allié au roi d'Espagne, aux princes allemands. Bref, cette coalition s'appelle la Ligue d'Augsbourg et on appelle donc cette guerre la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV s'inquiète du conflit. Il a toute confiance en Vauban pour assurer la défense des différentes places. Vauban lui écrit constamment pour l'informer des opérations et par exemple, depuis Lille, il lui adresse son mémoire sur la levée des troupes. Les 8 et 10 avril 1692, Vauban est à Versailles pour un conseil de guerre. Le roi décide de frapper au cœur de la Flandre espagnole en s'emparant de Namur. Vauban sera l'ingénieur en chef des travaux du siège. Le 28 juin, donc le siège a duré plus d'un mois. Vauban écrit au roi, alors que Namur est sur le point de passer sous contrôle français, je cite « Ce samedi à 5h30 du matin, votre majesté a oublié que j'ai eu l'honneur de lui demander que si la pluie et le mauvais temps continuaient, l'attaque pourrait bien être retardée jusque sur le 2, 3, 4 heures du soir. Voilà, nous voilà dans le cas puisqu'il a plu toute la nuit. Cependant, comme je sais que votre majesté a de l'impatience, nous tâcherons de la mettre en état pour les 11 heures, mais qu'elle ne vienne pas devant. Aussi bien faut-il accommoder le chemin de son belvédère afin qu'elle puisse entrer en sûreté. » Le 29, c'est la reddition finale et le lendemain, Louis XIV, qui est tout à fait satisfait de la réussite d'un siège qui a été mené de main de maître, va gratifier Vauban de quelque 40 000 écus. Et l'année suivante, en avril 1693, Vauban est reçu à Versailles en audience. Il rentre d'un voyage très éprouvant en Dauphiné, en Provence, voyage qu'il effectue c'est dans sa basterne, hein, c'est-à-dire cette espèce de litière qu'il avait transformée en bureau mobile et qui lui permettait d'écrire, de rédiger, de lire, de prendre des notes, etc. Bon. Vauban détaille au roi son projet défensif dans les Alpes. Il est convié pour la première fois à Marly, où il va se rendre par la suite très régulièrement. Ça, c'est le fin du fin. C'est-à-dire que si vous êtes convié à Marly, dans la résidence privée du roi, alors là, tous les espoirs vous sont permis, n'est-ce pas? Et bien sûr, il est toujours présent aux fameuses séances de travail à Versailles dont je vous parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces séances que Vauban réclame des lettres de noblesse pour un habitant méritant de Saint-Malo qui a bien travaillé, etc. Ça, c'est une des pages célèbres de Saint-Simon, n'est-ce pas? Ah, ça non, répond le roi, je ne puis, la noblesse est le prix du sang. Et Vauban, sans dire un mot, ramasse tous ses papiers et sort sous le nez de Louis XIV, vous imaginez ça? Et pendant 2 jours, le souverain et son sujet ne vont pas se parler. Et puis le 3e jour, le roi attire Vauban à l'écart, on est dans la fameuse galerie, vous savez ce que nous appelons nous la galerie des glaces. Vauban, dit Louis XIV, je ne suis point fâché contre vous, je vous accorde la noblesse de votre ami. Et bien voilà, comme quoi il faut savoir de temps en temps faire preuve de caractère. La campagne militaire reprend, on est au printemps en 93 là. Vauban défend l'idée d'une barrière défensive avec les places fortes des Flandres reliées par des retranchements continus. Hein. Ça ferait comme si vous aviez une sorte de très grand mur dans tout le nord du royaume, on appelle ça les lignes. Le 21 juillet, Vauban écrit à Louis XIV depuis Lille. Quand ces lignes sont surveillées et gardées par les troupes de votre majesté, elles ferment l'entrée du pays à tous les partis ennemis et font que tout est en repos comme dans le cœur de la France. Ainsi, le censier cultive sa ferme, le pâtre garde ses troupeaux, le marchand fait son commerce et les voyageurs leur chemin en sûreté, sans craindre les voleurs ni les ennemis, d'où s'ensuit que la terre est bien cultivée, tous les pays pleins de bestiaux et très peuplés, et que l'ordinaire et l'extraordinaire des revenus de votre majesté sont bien payés. Ça, c'est peut-être l'argument le plus facile à entendre à Versailles. Vauban conseille également au roi de suspendre les impôts pour une année afin de soulager les populations des Flandres ruinées par la guerre, mais surtout, il recommande au roi de faire le siège de Charleroi, dont il estime la position absolument stratégique. Et lorsqu'avec le flair absolument inouï et l'incroyable expérience qui le caractérise, Vauban vous dit qu'un endroit est un point stratégique, généralement vous avez tendance à l'écouter. Pourtant, le roi hésite. Il sait que les conseils de Vauban, sont absolument excellents, mais en l'occurrence, ce sont des dépenses considérable. En même temps, Vauban a sa confiance, il l'a prouvé maintenant combien de fois. Un extrait des Folies d'Espagne de Jean-Baptiste Lully à l'instant sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la relation entre Louis XIV et Vauban. Ce dernier est connu pour ses fortifications. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'ouvrir mes fenêtres tous les matins devant la citadelle de Belfort. Extraordinaire. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler les principales réalisations de Vauban ? Alors, elles sont tellement nombreuses. Dans le cas de Belfort, il y a eu beaucoup, ça a été très remanié, mais il y en a qui sont encore dans un état très Vauban, si je puis dire. Il a tout fortifié, cet homme-là. Les montagnes, bien entendu, hein, Alpes, Pyrénées, beaucoup de ports, Dunkerque, Saint-Malo, Brest, Toulon, etc. Des îles au large, bien sûr. Et puis, il faudrait citer la citadelle de Lille, qui est la première, bien sûr. Et puis, Douai, Arras, Béthune, Tournai, Besançon, Saint-Martin-d'Ré, Villefranche-de-Conflans, ce qu'on appelle la ceinture de fer. Nous parlerons tout à l'heure de tout ce qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et de l'extension possible de ce classement à un certain nombre de chefs-d'œuvre qui n'avaient pas été compris dans le classement de 2008, au moment où on célébrait 2007-2008 le centenaire, évidemment, de la mort de... Pas le centenaire, que dis-je ? Le tricentenaire, bien sûr, de la mort de Vauban. À Metz, Vauban ressuscite l'ancien oppidum gaulois et organise un système d'écluses pour tout inonder en contrebas. C'est d'une intelligence folle. Bref, sur les 160 fortifications, 9 cités sont des villes neuves, carrément, hein, entièrement neuves. Une trentaine sont des forts neufs, une centaine des réparations, des modernisations. Fontenelle, qui prononcera devant l'Académie des sciences l'éloge de son devancier, écrit « Monsieur de Vauban a fait voir par sa pratique qu'il n'avait point de manière. Chaque place différente lui en fournissait une nouvelle selon les différentes circonstances de sa grandeur, de sa situation, de son terrain. » Et oui, cet homme-là est l'homme de l'adaptation absolue. Il avait le génie du lieu. Il sentait les lieux, que voulez-vous. Et il avait surtout la compréhension militaire, stratégique et tactique des différentes places. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et bien sûr, ça lui donne auprès de Louis XIV un poids considérable, dont il va user pour essayer de faire valoir ses vues, bien sûr. Et Louis XIV, vous l'avez compris, va finir par accepter d'aller mettre le siège devant Charleroi. Il veut quand même être informé de tout ce qui se passe. Le 18 septembre, on est donc en 1693, il écrit à Vauban « Vous pouvez me parler d'autant plus hardiment que je ne montrerai votre lettre à personne et que cela demeurera entre vous et moi. » Ça, c'est le secret, c'est la clé de tout. À partir du moment où le chef de l'État vous dit « Vous pouvez me parler sans craindre que quiconque soit au courant, vous pouvez d'un seul coup vous montrer d'une franchise extraordinaire. » De la part de Louis XIV, c'est, entre parenthèses, d'une remarquable intelligence. N'oubliez pas l'importance de tous les corps intermédiaires, de tous les services, d'une administration pléthorique dans cette ancienne France. Alors le creusement des tranchées est long à cause de la pluie, à cause des maladies, à cause du feu continuel de l'ennemi qui ne nous laisse quand même pas faire tranquillement. Et après un siège de plus d'un mois, Vauban répond aux critiques. Il écrit au directeur général des fortifications qui s'appelle Pelletier de Souzy. Le courage d'un homme qui a les pieds chauds et qui résonne en chambre à son aise quand il n'a pas l'acte du péril est fort différent de ce même homme-là quand il s'y trouve. Voilà, ça, entre nous soit dit, prenez ça dans les gencives. 3 ans plus tard, en 97, Vauban a, si j'ose dire, pris du galon. Il a eu un commandement militaire en Bretagne. Il a dû défendre les côtes bretonnes menacées d'une défense anglo-hollandaise. On ne dirait jamais à quel point cet homme a été partout, partout. Mais comment faisait-il pour être sur tous les fronts à la fois, si je puis dire ? Il aura passé son temps en mouvement. Et on a bien compris que sa liaison, sa relation professionnelle avec Louis XIV est atteint maintenant de véritables sommets. Il est très proche. On le voit à Marly où le roi va jusqu'à lui donner un logement. C'est très rare. Il est à Versailles, bien sûr. Il accompagne le roi à Fontainebleau à la saison des chasses, etc. Il écrit à Pelletier de Souzy. Le roi de qui j'ai l'honneur d'être connu à fond est accoutumé à toutes mes libertés. Sa majesté, sachant mieux que personne que j'ai nulle mauvaise intention, me pardonnera plutôt qu'un autre les grossièretés qui m'échapperont. Et il continue de mettre les sièges comme de mener des sièges comme celui d'Ath dans les Pays-Bas espagnols, où il est blessé de nouveau. Il avait déjà été blessé à 2 reprises. J'eus grand soin de me faire voir dès le lendemain à la tranchée avec un visage gai et éveillé, et je m'aperçus avec plaisir que tout le monde en eut de la joie, écrit-il au roi. En septembre 97 sont signés les fameux traités de Ryswick qui mettent fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui a quand même duré 9 ans et qui a beaucoup affaibli le royaume, mais qui l'a aussi renforcé d'une certaine manière. Louis XIV va restituer un certain nombre de conquêtes à l'Espagne. Il concède aux Provinces Unies le droit d'installer des garnisons dans plusieurs places fortes des Pays-Bas espagnols pour surveiller la frontière française. Et il reconnaît surtout Guillaume III comme nouveau roi d'Angleterre. Vauban écrit « Le roi a accepté les conditions de paix défavorables alors que sa situation militaire était avantageuse. » Mais que voulez-vous ? Il lui faut bien obéir aux ordres. Il met tout sur le dos des ministres, bien entendu. Et le voilà reparti dans des tournées d'inspection. Et c'est la frontière de l'Est et celle du Nord et la Normandie et le Dauphiné. Il participe à la création de la citadelle de Neubrisac. Au cours de cette tournée d'inspection des places, il se rend compte de l'état du royaume et il est issu, lui, de cette petite noblesse de province sur laquelle repose tant de choses, vous savez. Il est sensible aux difficultés d'une grande partie de la population et, comme il le fait depuis plusieurs années maintenant, il va adresser au roi des mémoires qui ne portent désormais plus seulement sur les situations militaires. Loin de là, il adresse au roi des agendas de visite qui détaillent ses observations et recommandations, nous dit Michel Virol, répétant à plusieurs reprises que le royaume doit s'enfermer dans ses frontières naturelles, le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, protégé par un réseau de places fortes et surtout par des lignes moins coûteuses en construction et plus efficaces par leur couverture spatiale défensive. Bref, c'est vieux, hein. Vitruve disait la même chose à Jules César déjà, mais utiliser les dispositions du terrain pour avoir le moins possible à construire et à défendre. Loin de la cour, Vauban réfléchit à la rédaction de mémoires réformateurs en notant ses idées et son canevas de rédaction dans ses agendas spécifiques, nous dit Michel Virol. Fontenelle, déjà, l'avait noté, quoique son emploi ne l'engageât qu'à travailler sur la sûreté des frontières, son amour pour le bien public lui faisait porter ses vues sur les moyens d'augmenter le bonheur du dedans du royaume. Évidemment, ça fait froncer des sourcils à Versailles notamment. Il y a un certain nombre de, je pense au secrétaire d'État à la guerre, Barbezieux, qui n'est pas très content des relations très particulières de Vauban, bien entendu. Mais Vauban, pour autant, ne s'arrête pas. Il a cette relation privilégiée avec Louis XIV. Il en profite et en 1700, il va aller jusqu'à proposer au roi un projet de ce qui pourrait être considéré quelque part comme un ancêtre de l'impôt sur le revenu, un projet de dîme royale, nouveau système fiscal qui apporterait prospérité au royaume, équité sociale. Pourquoi équité sociale ? Parce que tout le monde paierait la même chose en fonction de ses revenus, en fonction de sa richesse. Vous imaginez ça ? Dans son journal à la date du 21 juin 1701, le fameux d'Anjou, qui nous permet de savoir tout ce qui se passe à la cour, écrit que le soir, le roi alla promener dans plusieurs bosquets de ses jardins de Versailles et prit plaisir à faire voir à Vauban ses plus belles fontaines. Il a presque 70 ans, monsieur de Vauban. Désormais, il attend une grande promotion pour tous ses services rendus. Pendant très longtemps, on a dit que son projet de dîme royale l'avait disgracié aux yeux de Louis XIV. Les historiens d'aujourd'hui nous montrent, nous prouvent, documents à l'appui, qu'il n'en a en vérité rien été. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire d'une relation entre deux grands hommes de l'histoire de France, Vauban et Louis XIV. Vous pouvez réagir à cette émission, vous êtes déjà nombreux. Luminita nous dit sur Facebook, je trouve Vauban l'archétype de la compétence et de la passion pour son métier. N'hésitez pas, continuez à poster vos messages sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur Europe 1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au XVIIIe siècle, au cœur de cette relation entre Vauban et Louis XIV. Vauban a maintenant 70 ans. Alors après sa proposition de dîme, cet impôt, est-ce qu'avec le roi ça va se compliquer ou est-ce qu'il va avoir droit à cette promotion ? Mais il a sa promotion en 1703, il est maréchal de France s'il vous plaît et désormais il a l'autorisation de pénétrer dans la chambre du roi dès ce qu'on appelle les grandes entrées, c'est-à-dire tout de suite. Il est devenu un des plus grands personnages du royaume. Cet homme qui au départ est un homme de l'action, des faits. Vous voyez, c'est pas du tout. Il ne fait pas partie au départ du tout de la grande aristocratie, lui. Il a quand même un peu peur que cette élévation l'empêche d'accomplir désormais un certain nombre de missions, notamment ses fonctions de commissaire des fortifications. Il voudrait continuer à conduire des sièges, etc. Et d'ailleurs, un jour, il est à Versailles, il assiste au ce que nous appellerions nous le déjeuner, qui à l'époque était le dîner du roi. Et voilà ce que nous dit d'Anjou de nouveau. Le roi, après son dîner, avant d'aller écouter le sermon, entretint le maréchal de Vauban qui demanda en grâce à sa majesté de l'envoyer au siège de Kehl, où il croit pouvoir rendre de bons services. Le roi lui dit « Mais songez-vous, monsieur le maréchal, que cet emploi est maintenant au-dessous de votre dignité ?»« Sire, lui répondit-il, il s'agit de vous servir, ce que je crois pouvoir faire utilement en cette occasion. Je laisserai le bâton de maréchal de France à la porte et j'aiderai peut-être à la prise de la place. » Plus vous nous élevez et plus nous devons avoir envie de vous servir. Ah, un petit air de courtisanerie là quand même, comme quoi la fréquentation de Versailles ne peut pas être totalement innocente. Le dernier siège mené par Vauban est celui de Brissac en août 1703. En 4, il préside les séances de l'Académie des sciences. L'année suivante, Louis XIV le fait chevalier de ses ordres. Vauban fréquente de plus en plus les salons parisiens. Mais néanmoins, il va continuer à s'occuper de très près de la défense d'un certain nombre de places. Le 20 juin 1706, Louis XIV lui écrit « Mon cousin, parce que c'est comme ça qu'un roi de France appelle les maréchaux, hein. Mon cousin, la conjoncture des affaires de Flandre pouvant exiger que vous soyez obligé dans la suite de former les inondations de Calais, Dunkerque, Berg, Gravelines et Furnes, tant par les eaux de la mer que celles des rivières et canaux, j'ai été bien aise, pour que vous ne soyez pas retenu par aucune considération quand cela vous paraîtra nécessaire, de vous dire que je vous en donne le pouvoir et que j'approuverai tout ce que vous jugerez à propos d'ordonner pour la sûreté de ces places et pour leur défense si elles sont attaquées. » Ça, c'est quand même, c'est-à-dire que non seulement il a maintenant tous les titres et tout ce qu'on peut imaginer, mais ces titres ne l'obligent pas à rester coincé dans les salons. Il a le droit de continuer à travailler, pour parler clairement. Il est d'ailleurs nommé commandant de la marine et des galères de Dunkerque, ce qui, à cette époque-là, joue un rôle tout particulièrement essentiel. Rappelez-vous le rôle de la course, hein, comme on disait, dans cette guerre de succession d'Espagne à laquelle toutes les émissions semblent depuis quelques semaines nous ramener décidément. À la fin de 1706, de retour de Flandre, Vauban est de plus en plus gêné par ce qu'il considère au départ comme une simple bronchite. Il va quand même en février rencontrer le roi deux fois. À la fin du mois de mars 1707, il est vraiment très malade. Il reste alité et il est tellement malade qu'il meurt le 30 mars. Il a 73 ans et lorsque Louis XIV apprend la mort de Vauban, il va clairement dire qu'il regrette d'avoir perdu un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. C'est incontestablement le plus grand serviteur du règne qui vient de mourir. Le service religieux en l'église Saint-Roch, deux jours plus tard, est cependant relativement modeste et ne présente aucune étiquette particulière. Bonjour Michel Virol. Pourquoi ce peu de protocole, si je puis dire, aux obsèques de Vauban ? C'est difficilement explicable si on l'exclut du contexte de la guerre de succession d'Espagne. C'est vrai que c'est une époque où le royaume a d'autres chats à fouetter, si l'on peut dire. Absolument. Et il ne faut pas oublier non plus que Vauban s'est opposé, a nettement fait savoir qu'il n'acceptait pas la guerre de succession d'Espagne. C'est-à-dire que la décision d'accepter le testament espagnol, Vauban le refuse. Bon, il n'est pas en position, de l'imposer. Il ne l'approuve pas. Mais son mécontentement, il le fait connaître. Et pendant toute cette guerre, il montre qu'il y a une très mauvaise disposition des troupes, notamment trop de troupes en Italie. C'est vraiment là, à mon avis, qu'il passe dans une forme de contestation. Mais. Oui. Et Louis XIV marque un net regret à sa mort, mais pas toute l'émotion qu'on aurait pu imaginer, qu'on avait vu se déployer au moment de la mort de Turenne, par exemple, dans d'autres temps du règne. Vauban aura néanmoins été jusqu'au bout le confident de Louis XIV. Il faut dire que sa vie privée aussi laissait peut-être un peu à désirer. Ça pourrait expliquer pourquoi la cérémonie religieuse s'effectue de façon un peu secondaire, non ? La vie privée de Vauban ? Oui. Elle reste quelques maîtresses, on va dire. Oui, mais c'est la partie secrète, c'est le codicille secret du testament. Oui. Donc ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Même le roi ne le sait pas. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire qui unissait Louis XIV et Vauban. Une relation de confiance et nous allons en savoir plus sur cette relation grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Michel Virol, elle est professeure d'histoire moderne à l'université de Rouen-Normandie, spécialiste de Vauban puisqu'elle est l'auteur de Louis XIV et Vauban, correspondance et agenda paru aux éditions Champvallon. En novembre dernier. Pour vous autres chercheurs, c'est extraordinaire de disposer de tous ces documents, Michel Virol. 144 lettres entre Louis XIV et Vauban, une centaine du côté de Vauban et une cinquantaine du côté du roi. Où se trouvent-elles ces lettres concrètement ? Alors, ces lettres sont dispersées, ce qui veut dire que le travail que j'ai dû faire correspond à celui que j'ai dû faire aussi pour les oisivetés, des manuscrits qui sont dispersés dans plusieurs fonds, en sachant que dans les archives privées de Vauban, qui se trouvent au château de Rosambeau et qui appartiennent à la famille Rosambeau, se trouvent les minutes des lettres de Vauban, ce qui permet de connaître au moins ces lettres. C'est-à-dire une sorte d'index, en fait. Oui. Un résumé, en fait. C'est surtout le brouillon de ces lettres. Voilà. Le brouillon de ces lettres. D'autres lettres se trouvent à Vincennes, au service historique de la Défense. Ce sont surtout des lettres de Louis XIV. Troisième fonds où je les ai trouvées, c'est le fonds donné, donc des descendants de la fille aînée de Vauban, qui ont été déposés aux archives de Nevers. Donc les reconstitutions, mais je sais que des lettres ont été perdues. Je sais qu'elles ont existé, mais je ne les ai pas retrouvées. Il y a une correspondance infiniment plus large, parce que là nous parlons des lettres directement adressées au roi Louis XIV, mais Vauban avait de multiples correspondants et a laissé derrière lui infiniment de traces. Oui, oui. Alors, notamment la correspondance avec Louvois. Oui. J'ai voulu l'éditer pour l'instant. Elle est en sursis, avec le Pelletier de Souzy, mais aussi avec les enfants de Louis XIV, des personnalités religieuses. Le grand dauphin, le comte de Toulouse, etc. Voilà, le duc de Savoie, bien sûr les ingénieurs, bien sûr vous avez parlé des Magons, ces marchands, ces négociants de Saint-Malo. Vauban est aussi en correspondance avec eux, avec des marins, avec des officiers. Il y a quelques lettres de Turenne. Voilà, c'est un fond énorme. Et puis alors, chose inouïe et encore une fois chance pour nous, c'est que avant d'aller rencontrer Sa Majesté, à chaque fois, il prépare son rendez-vous, bien entendu. Ce n'est pas le genre de rendez-vous qu'on improvise au dernier moment. Et donc, il va faire ses fameux agendas dont nous avons gardé les exemplaires. Pardon. À ma connaissance, c'est les seuls exemples de documents préparatoires à des audiences. J'en ai pas trouvé, j'ai cherché. C'est formidable. Hein. Même si, d'autres appelaient ce terme agenda. C'est Colbert qui avait tendance à appeler agenda des documents de type administratif préparatoire. Donc, comme Vauban a travaillé avec Colbert, il a emprunté certainement cette appellation. Et il faisait un travail. Mais parfois, dans ces agendas, on a plusieurs états de l'écriture. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des annotations postérieures en quelque sorte, c'est-à-dire des traits ou des croix qui signifient qu'il va revenir à la charge, si j'ose dire, ou au contraire, la question a été réglée. Et qui nous donne une idée de ce qui s'est passé ensuite dans l'entretien privé. Alors, Louis XIV avait l'habitude, Louis XIV détestait les conseils, il faut le dire, contrairement à son père Louis XIII, et lui avait tendance à parler en tête-à-tête avec les ministres. Il organisait ce qu'on appelait la liasse, quasiment tous les après-midi, 5 jours par semaine. Et donc, Il travaillait en tête à tête avec le secrétaire d'État ou avec le très haut fonctionnaire ou magistrat avec lequel il avait à travailler. Il fait la même chose avec Vauban. C'est-à-dire que là, on est dans une relation directe, tout à fait incroyable. Le chef de l'État lui-même retrousse les manches, si j'ose dire, à propos des belles manches de dentelle de Louis XIV et se met à travailler avec son ingénieur. Oui, c'est ce qui est étonnant dans cette correspondance, c'est que on n'attend pas forcément d'une personne comme Louis XIV, c'est qu'il suit son interlocuteur dans les détails et même dans les détails techniques, en fait. Parfois, c'est d'une trivialité quand Vauban lui parle des vers marins qui attaquent les bateaux, notamment dans le port de Toulon, et où il essaie d'obtenir la construction d'une darse en eau douce. On se dit, mais c'est pas possible, c'est à Louis XIV qui s'adresse. Il va dans les moindres détails. Et je crois que c'est une capacité politique de Louis XIV d'entrer dans le menu détail et surtout de s'intéresser à des questions très techniques et scientifiques. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a désigné Vauban pour être honoraire à l'Académie des sciences en 1699. C'est-à-dire qu'il reconnaît aussi son travail technique, voire scientifique. Et c'est, je pense que c'est là une confiance qui lui octroie. D'accord, oui. Madame de Sévigné disait de Louis XIV qu'il était loin de jamais pouvoir connaître la vérité sur rien, parce qu'on lui cachait tout. Évidemment, il y a cette espèce d'esprit de cour, y compris chez les ministres, qui consiste à constamment tout enjolivé, tout enrobé, etc. On peut dire de Vauban qu'il n'enrobe rien. Il n'enrobe rien. Non. Il n'enrobe rien. Et la correspondance permet de voir aussi que Vauban peut jouer un rôle dans la prise de décision. Ou en tout cas, pour prendre une décision, Louis XIV s'adresse à plusieurs personnes pour avoir des avis, voire des avis différents, des avis compétents. Et l'exemple du siège d'Audenarde que Louis XIV prévoit montre bien qu'il demande d'abord à Vauban s'il a raison ou non de faire ce siège. Et Vauban lui répond, faut pas le faire maintenant parce que les prés vont être, puisqu'il s'agit de faire une inondation, les prés vont être inondés, les paysans n'ont pas encore fait leur récolte, vous allez les ruiner. Louis XIV lui répond, l'intérêt général passe avant, devant les intérêts privés. Mais finalement, il va se ranger à la décision de Vauban. Donc c'est le processus de prise de décision d'un souverain qu'on peut aussi apercevoir. Mais avec, c'est toute la limite évidemment de cet échange, de cette correspondance, si passionnant soit-il, c'est que évidemment Louis XIV agit ainsi avec Vauban parce qu'il a en lui une immense confiance, ce qui ne sera pas le cas avec la plupart de ceux avec lesquels il est amené à travailler. Vauban jouit d'un statut tout à fait à part, disons les choses. Oui, alors je voulais rappeler que c'est peut-être un lien avec la cérémonie lors de sa mort à Saint-Roch. Mm-hmm. Vauban est avant tout un ingénieur. Bon, petite noblesse, vous l'avez rappelé, mais il est un ingénieur. Or, l'ingénieur, c'est un homme qui joue un rôle important au début de la période moderne, parce que c'est celui qui a de l'ingénium, qui a du génie, c'est-à-dire qui a les moyens de dompter la nature. Ce qui, pour un prince, un souverain, est indispensable. Donc il dompte la nature, il dompte les eaux. On parle toujours de ces fortifications. C'est fondamental, les eaux, bien sûr. C'est un hydraulicien aussi. Il est capable de dompter le relief pour construire. Il trouve toutes les solutions techniques pour la puissance du roi. Donc ils ont en commun un goût, je dirais aussi, pour les jardins, pour les jets d'eau. Mais Vauban donne à Louis XIV le moyen, par les sièges, c'est-à-dire la forme de guerre qui convient parfaitement à Louis XIV, qui ne peut pas risquer sa personne. Sa personne est sacrée et la guerre de siège, c'est un théâtre, en quelque sorte. Un rituel. Et c'est un rituel avec l'unité d'action, l'unité de lieu, l'unité de temps. Et Vauban donne au roi un point extrêmement important en termes de guerre, c'est la maîtrise du temps. Et il calcule toujours la durée possible, probable, d'un siège. Et ça, c'est très précieux. Oui. Alors, c'est l'ingénieur militaire, c'est le pôleur 7, le preneur de cité, etc. Cette dimension militaire est évidente, essentielle, elle résume une grande partie du savoir de Vauban, mais elle ne suffit pas à l'exprimer tout entier, car Vauban s'intéresse aussi à la vie, vous l'avez dit à plusieurs reprises déjà, il s'intéresse aux récoltes, il s'intéresse à l'économie, comme nous dirions nous aujourd'hui. Ça, c'est très étonnant, assez révolutionnaire, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Louis XIV et ses relations avec le génie Vauban. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à habiter dans des villes où Vauban a laissé sa trace. Nous allons plus loin sur cette relation avec Michèle Virol, votre invitée. Franck, elle est professeure d'histoire moderne à l'Université de Rouen-Normandie et spécialiste de Vauban. Juste une petite parenthèse, Michèle Virol, c'est ce que vient de dire Anissa qui m'y fait songer. Vous disiez à l'instant que Louis XIV pouvait descendre extrêmement bas dans le détail de considérations très matérielles, mais tout à fait en échange, en retour, Vauban peut monter extrêmement haut dans des considérations de stratégie globale qui relèvent théoriquement uniquement du roi et de ses principaux ministres. Hein. Absolument. La particularité de Vauban, c'est comme il est ingénieur, je vous le disais, il fait rentrer dans sa pensée des calculs qu'il organise selon une certaine méthode. C'est vraiment l'homme rationnel du XVIIe siècle. Et ces calculs l'amènent à faire, on pourrait dire, avoir une réflexion sur la guerre avec une économie d'hommes et de moyens. Voilà. C'est ce qui caractérise, en fait, caractérise Vauban. Donc, d'un côté, les courtisans n'apprécient pas ces travaux de terrassement, et il faut dire que les Hollandais appellent les Français des taupes, parce que ce qu'on voit lorsque les Français font un siège dirigé par Vauban, ils voient des soldats avec des pelles. Des sapeurs, quoi, et en fait, voilà. Hein. Et bon, ça ne correspond pas à l'idéal, on pourrait dire à l'hybride. Chevaleresque, oui, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, on est toujours en train de se moquer un peu de cet homme qui est un homme, l'homme des terrassements. Mais cet homme des terrassements, parce qu'il réfléchit aussi sur les conditions matérielles et qu'il tient compte des hommes, va avoir une pensée stratégique qui lui permet, en fait, de faire entrer tous ces paramètres dans la réflexion, et pas seulement je dirais la supériorité avec d'utiliser ce qu'il appelle la frontière naturelle, en quelque sorte. Donc il a une vision extrêmement précise de ce que devrait être un royaume idéal, en quelque sorte. Est-ce que cette vision coïncide avec celle du roi? Alors il est difficile, je crois qu'il faut distinguer dans le temps. Il a fait souvent le reproche, il écrivait à Louvois que Louis XIV avait remporté des victoires, prenait des places sans se soucier d'une rationalité de frontières. Mm-hmm. Donc il a écrit, il ne faut pas chasser le papillon au-delà des Alpes, c'est-à-dire il faudrait abandonner toutes les places fortes qui sont au-delà des Alpes et arriver à délimiter clairement le territoire. Alors son modèle, c'est César, et donc ça serait les limites des Gaules. Et Louis XIV, progressivement, semble se ranger à cette idée-là, puisque l'âge venant. Voilà. Parce que Philisbourg, dont vous parlez tout à l'heure, 1688, il envoie son fils pour la première fois essuyer donc un siège. Mmh. 27 ans, le grand dauphin. Alors qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre. C'est ce qu'il appelle la défensive offensive. Mmh. Il prend des villes. Alors, ça c'est tout le côté militaire, mais évidemment, Vauban voyage, il ne fait que ça. Je pense que nous l'avons dit et répété, il est sur tous les fronts, c'est le cas de le dire à la fois, il circule beaucoup. C'est vrai cette histoire de Basterne, hein, ce bureau volant, si je puis dire. Bon, écoutez, au début j'ai écrit parce que c'était qu'il circulait en Basterne jusqu'à ce que je monte dans une Basterne. Ouais. Et avec les deux mules qui portent cette chaise, c'est quasi impossible d'écrire en même temps. On peut écrire à la limite quand les mules s'arrêtent de marcher. Oui, voilà. Oui. Donc on utilise la Basterne pour observer. Alors, observer des travaux, par exemple, sur un chantier. Il peut être dans sa Basterne à l'abri prendre des notes. Ou bien pour observer aussi un moment de siège, donc sur des distances extrêmement courtes. Et j'ai trouvé dans des textes que c'était surtout les ecclésiastiques qui utilisaient comme les bastères. Comme toutes les litières, voilà. Les vieilles dames, oui. Et les ecclésiastiques. Voilà. Donc Vauban ne pouvait pas aller de Metz à Brest en basterne. Il prenait les chevaux. Et les carrosses aussi de temps en temps, quand les routes le permettaient. Il voit donc beaucoup de choses, il se renseigne, il est constamment passionné par les chiffres, ce qui n'est pas du tout une évidence, mais on est au XVIIe siècle, c'est l'époque où la rationalité fait des progrès, et il va essayer de tirer de toutes les observations et de toutes les relations qu'on lui fait, il essaie de tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu l'ancêtre de nos économistes d'aujourd'hui ? Oui, il est un des précurseurs de l'arithmétique politique. Mmh. Par exemple, on le voit dans la dîme royale, c'est le premier qui a eu l'idée de présenter les estimations de population, parce qu'il veut faire des dénombrements. Il n'obtient pas un dénombrement général du royaume. Par contre, on a les dénombrements du Canada, on a les dénombrements des Antilles, c'est-à-dire que Seignelay, le fils de Colbert, accepte le formulaire de dénombrement de Vauban. Mais il fait des estimations à partir surtout des registres de taille. Il fait une autre colonne des estimations de superficie et il ajoute une colonne dans son tableau qui est la densité. Il appelle pas incroyable, comme ça, mais c'est le nombre de personnes par lieu carré. Mm-hmm. Et c'est un moyen d'argumenter auprès du roi pour lui dire qu'il y a de telles disparités dans le peuplement du royaume qu'il faut intervenir pour aider les provinces. Donc qui sont les plus d'aménagement du territoire, absolument. Il a une pensée d'aménagement du territoire. Extraordinaire, quand même. Et bien sûr, une pensée fiscale, ce qui pour la couronne est toujours essentiel, puisque je pense que c'est l'obsession absolue de tous les rois de France, de tous les chefs d'État d'ailleurs depuis, entre parenthèses. Et ces questions fiscales sont très avancées chez Vauban. Alors vous me disiez, il n'est pas le rédacteur du projet de dîme, il n'en est que le défenseur, d'une certaine façon. Oui, il avait souhaité, dans ses premiers textes, que l'on adopte une taille réelle, c'est-à-dire sur la terre et sur les revenus de la terre. Mais son secrétaire, un chanoine de Tournai, qui a été mis en prison parce qu'il a eu une vie personnelle un peu équivoque, a finalement accepté de travailler sur les écrits de Vauban. Et ce personnage, qui est Vincent Ragot de Beaumont, vit à Rouen, dans un milieu d'officiers. C'est quand même, il connaît Boisguilbert, et dans ce milieu qui essaie de réformer la fiscalité, il prend un certain nombre d'idées qu'il transmet aussi à Vauban, et tous les deux rédige. D'ailleurs, si ça s'appelle dîme, c'est quand même un impôt ecclésiastique. Qu'on l'appelle dîme, ça montre bien aussi cette référence-là. Et c'est Ragot de Beaumont qui préparait aussi une seconde édition de la dîme royale à la mort de Vauban. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Vauban reste évidemment pour nous l'homme des fortifications, d'un certain nombre de travaux absolument magnifiques, parce que il savait, et ça c'est un des grands mérites de ce siècle qu'on appelle grand justement, c'est d'avoir constamment allié l'esthétique à la pratique. Et lorsqu'on faisait une fortification du temps de Monsieur de Vauban, on essayait de faire en sorte qu'elle fut belle. Et cette beauté-là, elle nous reste aujourd'hui en héritage, plus de 3 siècles après. Nous allons dans un instant venir à ce réseau Vauban. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors il y a quelques minutes, nous étions plongés dans les pages de l'agenda de Vauban. Là maintenant, il va falloir ouvrir les pages de votre agenda parce qu'il y a des dates à noter avec Lorena Martin. Alors bonjour Lorena. Bonjour Franck. Je me rappelle très bien qu'en 2007 et 2008, à l'occasion du centenaire, du tricentenaire décidément, de cet anniversaire devrais-je dire. Je me suis laissé si proche de nous. C'est ça, de Vauban. On a l'impression qu'il est mort hier finalement. Nous avions beaucoup beaucoup fait sur cette antenne d'Europe 1 et c'était l'époque du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur cette liste de l'UNESCO d'un certain nombre de sites Vauban. dont certains, 12 d'entre eux, se sont réunis en réseau Vauban. Expliquez-nous. Oui, donc le réseau Vauban et les 12 sites ont choisi en fait 12 sites qui représentent une facette des fortifications de Vauban pour avoir une sorte de déclinaison complète et exemplaire de l'œuvre de Vauban, que ce soit des forts, des tours côtières, Villeneuve, citadelles, des sites de plaine, de bord de mer ou de montagne. Un peu de tout, en fait. Qu'il y ait de tout pour qu'on comprenne un petit peu son œuvre. Et depuis 2005, donc, ce réseau Vauban s'est formé pour préparer l'inscription au patrimoine mondial et aujourd'hui pour conserver, gérer et mettre en valeur tout ce beau patrimoine militaire unique en Europe et ce premier bien en série en France à rejoindre la liste du patrimoine. Le classement, c'était le 7 juillet 2008. Donc là, ça va être le 10e anniversaire. Le 10e anniversaire. Et à l'occasion de cet anniversaire, ils organisent des manifestations sur l'ensemble des sites majeurs. Donc il y a Besançon, Briançon, Mont-Dauphin, Villefranche-de-Conflans, Mont-Louis, Blaye, Cussac, Fort-Médoc, Saint-Martin-de-Ré, Camaret-sur-Mer, Saint-Valahougue, Arras, Longwy et Neubrisac. Et donc, avec un point d'orgue, bien sûr, le 7 juillet 2018, la date anniversaire, il y aura un son et lumière Vauban, la paix des étoiles, sur les différents sites du réseau Vauban. Ils vont adapter le scénario qui avait été présenté à Besançon au moment du lancement du tricentenaire de la mort de Vauban en 2007. Et ce projet, en fait, va être projeté tout l'été en spectacle. Il y a aussi un concours photo et une exposition itinérante qui s'appelle La Fortif dans l'objectif. Depuis l'automne 2017, chacun a pu prendre en photo les 12 sites majeurs. Un jury a sélectionné 24 photos, deux par site. Et le choix final, une photo par site, se fait par un vote public via le site internet du réseau Vauban. Et vous pouvez voter jusqu'à ce lundi 15 janvier. Et les photos lauréates seront exposées dès le mois de mars dans les remparts de chaque site. Au printemps devrait sortir aussi un jeu de loi qui va s'appeler En voyage avec Vauban pour toute la famille, édité par La Petite Boîte. Et il y a aussi une médaille souvenir qui a été éditée par La Monnaie de Paris que l'on pourra acheter dans les boutiques des sites dès le mois de février. Mais non, je t'ai plus. J'aime bien quand vous dites il, comme ça, c'est comme quand on dit ils nous ont encore fermé la route. C'est ça. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler des Huguenots, du rappel des Huguenots, Michel Virol. Ça fera peut-être l'occasion d'une autre émission, l'objet d'une autre émission. Oui, simplement, la franchise de Vauban envers Louis XIV n'a pas été jusqu'à lui parler ouvertement. De la révocation de l'édit de Nantes. De la révocation de l'édit de Nantes. Il propose à Louvois son mémoire sur le rappel des Huguenots. Louvois lui dit « détruisez le manuscrit ». Et il écrit en 1692 à Madame de Maintenon, semble-t-il, il y a un brouillon de lettres, pour lui demander d'intervenir. Mais nous n'avons pas la réponse, qui a sûrement été négative, de Madame de Maintenon. Voilà, merci beaucoup de nous avoir fait vibrer pour l'œuvre de Monsieur de Vauban. On pourrait presque dire là pour les œuvres, tant elles sont variées. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et tous les jours, en fin d'émission, vous nous proposez un retour aux origines d'un mot, d'une expression, d'une tradition, d'une invention. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est à l'honneur. On parle de la chasse. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Vous imaginez la chasse à travers les civilisations depuis tant de millénaires et même de dizaines de millénaires. Bon, parlons peut-être de notre chasse en France depuis quelques siècles seulement. Donc, sous l'ancien régime, privilège seigneurial, ai-je besoin de vous le dire, interdiction absolue aux roturiers de chasser. Ça s'appelle du braconnage. C'est puni de mort jusqu'en 1669. Ouais. Donc, on ne plaisante pas. C'est justement Colbert qui, sous Louis XIV, décide qu'on ne punira plus de mort les délits de braconnage. Mais enfin, c'est quand même puni très sévèrement. Enfin, entre nous soit dit, il avait besoin de galériens et préférait avoir des gens qui rament sur ses galères. C'était plus pratique. Il faut attendre donc la Révolution française, bien entendu, et l'abolition des privilèges le 4 août 1789 pour que ce privilège de chasse soit aboli. La Révolution accorde à chacun le droit de chasse. C'est extrêmement important. Ça devient un attribut du droit de propriété durable. C'est quasiment immuable et ça explique sans doute en grande partie l'attitude de nos politiques actuelles vis-à-vis de la chasse. On avance toujours sur ce sujet-là, à pas de loup, parce que précisément c'est un des grands acquis de la Révolution française. Le droit de chasse exclusif a été aboli en 1844 et le Parlement a adopté une solution de compromis qui a permis à tous de chasser à condition d'avoir l'accord tacite du propriétaire. C'est-à-dire que vous pouvez, depuis 1844, chasser même là où vous n'êtes pas propriétaire. C'est le cas de l'immense majorité des chasseurs. Le braconnage s'est maintenu. Hein. Pensez au roman Rabolio de Maurice Genevoix, merveille de roman, où l'on voit justement la vie d'un braconnier en Sologne. Ça a été le prix Goncourt 1925, cette affaire-là. Alors, Il y a des grandes chasses qui se définissent d'abord par l'étendue, la qualité cynégétique de l'espace concerné, qui mettent en jeu généralement la grande propriété, couverte de bois. De bois. Cette chasse donne lieu à la chasse à court, pour ce qui est des bois. La plaine permet de délimiter un espace de tir, généralement. Et plus de 350 000 hectares de forêt domaniale ont été consacrés à la chasse entre 1814 et 1870. Alors, évidemment, il y a les gens qui chassent pour le plaisir de rapporter du gibier. La plupart du temps, on chasse quand même pour le simple plaisir de chasser. Ne l'oublions pas. Les grandes chasses qui renouent, si je puis dire, avec les chasses aux raies, les chasses à la cour de l'Ancien Régime, sont sous le Second Empire et dans les débuts de la Troisième République. Mais les grandes chasses existent toujours. Alors vous savez qu'il y a eu cette abolition des chasses présidentielles là, il y a quelques temps, mais ça n'enlève rien évidemment à l'importance. Il y a quelques jours, le prince Harry, par amour, a refusé d'aller chasser. Alors, oui, apparemment, parce que, sa nouvelle compagne. Parce que sa nouvelle compagne est contre la chasse. Exactement. Je vous renvoie à la Fondation François Sommer pour la chasse et la nature et au musée de la chasse et de la nature de l'hôtel Guénégaud pour les détails.